Planète impériale d'Arthur C. Clarke. Alors, c'est l'histoire de quelques hommes sur Titan. Titan, donc je crois que c'est un satellite de Saturne, qui vivent là depuis quelques siècles. Et c'est l'histoire d'une dynastie, les Mackenzie, de père en fils. Les fils sont à chaque fois le clone du père. Je crois que cela vient d'un problème génétique du père, une maladie qui fait que l'enfant est mort-né. Il a eu un enfant d'ailleurs avec une première femme et l'enfant était mort-né à cause de la maladie génétique du père. Du coup, il est allé sur la Terre faire un grand voyage pour se faire cloner, chose qu'on peut faire dans le futur, qui est officiellement interdit, mais qui est beaucoup moins, qui est possible. Donc, c'est fait. Et il revient avec son fils, qui lui-même, plus tard, cinquantaine d'années plus tard, fera la même chose. Et comme on vit vieux dans le futur, on vit facilement jusqu'à 120 ans, eh bien, il y a trois générations de clones des Mackenzie. Et c'est l'histoire donc du plus jeune, Duncan. Donc le premier c'était Malcolm, le deuxième c'est Colin et le troisième c'est Duncan.